la yo kitoko mingi boye Ote ya fami, sali ya fami Mopali ya kalo, basi nyoso mayanga Talama ya wana tamoli gongo Ya muti la yo kitoko mingi boye Ote ya fami, sali ya fami Mopali ya talo, basi nyoso mayanga Petit na Suisse, Bolinga Musika Mabe, Mubanzaka, Eme, Bandato, Kinshasa, John Lopez. Pati Onto ame sala kala bolingo na ye Nema pale kinyo sobati miso Angama, eske to vivre li susu te pomo Mini molu te mama Onto ame sala kala bolingo na ye Nema pale kinyo sobati miso Angama, Est-ce que ton vivre est lisse sous tes pommes, mon mini, mon oncle et mama? Passa la moto, n'y a son à chausse, poni ni kakanda, passa la moi, n'a mon bariaio, c'est bon, n'a ni essayé, n'y a moutila. On soit mis à la canapoli, on a yé, n'est la balle qui n'y a son bâti, Vivre les sous-sous tes pommes, mini monou et mama. Passa la moto, n'y a son la chance, poni ni kakanga. Passa la moine à mon palio, c'est pour n'angai, n'a mi merci.